Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous poursuivons notre présentation de la croissance économique et de l'évolution de la société à l'époque de la dynastie Song. N'oublions jamais que cette progression économique s'appuyait d'abord sur la population et qu'elle reflétait en quelque sorte l'impact d'une importante croissance démographique. Dans son ouvrage classique sur la vie quotidienne en Chine à la veille de l'invasion mongole, Jacques Gernet dressait en 1959 un portrait très cru de la société vers la fin de la dynastie Song. Parlant des gens du peuple en milieu urbain, et je cite, « Pauvre air qui s'évertue tout le long du jour à satisfaire les exigences de leur maître ou de leur patron. » Transporteurs, prostituées, petits revendeurs qui s'installent au coin des rues, amuseurs publics, filous, voleurs et mendiants, tous les gens du peuple à Hangzhou peuvent être définis par un trait commun. Ils ne disposent pour subsister que de leur force ou de leur astuce. Il y a chez eux des trésors de patience et de courage, de ruse et d'habileté. La lutte est rude, car si les capitaux sont rares et apportent beaucoup à leurs possesseurs, en revanche, la main-d'œuvre surabonde et le travail est toujours mal payé. Laissant de côté ce portrait cru de la société, rappelons que l'État demeure très présent dans l'activité économique, notamment grâce à ses monopoles sur le sel et l'alcool. Par exemple, et en tirant avantageusement profit des taxes commerciales et des douanes. On assiste à une forme de monétarisation de l'économie, alors que l'État tente d'instaurer un système de monnaie uniformisé et tente par le fait même de contrôler le pourcentage de cuivre qu'il y a dans les pièces de monnaie. Par contre, puisqu'il était possible de fondre les pièces et de les reproduire ensuite avec des pourcentages de métaux plus bas, l'État y perdit rapidement au change. Sur le plan des pratiques d'échange économique, on reconnaît la modernité de certaines réformes, alors que c'est aussi au 12e siècle qu'on vit apparaître les premiers billets monétaires créés par des marchands du Sichuan, ce qui est un peu l'ancêtre des billets de banque que nous utilisons. Par ailleurs, le retrait des Song vers le sud, de Kaifeng à Hangzhou, entraîna d'importants changements économiques au niveau local, mais aussi des changements démographiques considérables, qui vinrent consolider une tendance déjà à l'œuvre depuis la fin des Tang. En effet, on estime que vers l'an 762, 60% de la population habitait dans la région du nord de la Chine, soit la région du fleuve jaune, une région dominée par l'agriculture du blé et du millet. À partir de la fin du 10e siècle, plus de 60% de la population de la Chine se retrouvait au sud, dans les régions de riziculture, notamment autour du fleuve Yangtze. De plus, le retrait vers le sud augmenta aussi le commerce international, notamment parce que l'accès au commerce avec l'Asie intérieure via les routes de la soie demeurait pratiquement inaccessible. Ainsi, il y a de nombreux ports du littoral qui se développèrent à l'époque des Song, incluant Canton, Quanzhou, Xiamen, Fuzhou et Hangzhou. D'importantes innovations technologiques, dont la voilure pour jonques en haute mer, contribuèrent à une poussée extraordinaire du commerce maritime à l'époque de la dynastie Song. Le commerce maritime international suivait le rythme de la mousson, et une importante diaspora de marchands chinois se dissémina le long de ces routes commerciales. Reprenant les mots de Christian Lamoureux dans sa récente histoire de la dynastie Song, la Chine devint alors un important carrefour terrestre et maritime reliant l'Asie du Nord aux mers du Sud. Alors qu'on assiste à un développement sans précédent du trafic maritime avec l'Asie des moussons, l'archipel japonais ou la péninsule coréenne, mais aussi dans l'océan Indien en direction de ses côtes les plus occidentales. Les estimations fournies par les spécialistes nous disent que le commerce extérieur de la Chine représentait alors environ 2 % du produit intérieur brut. On en connaît de plus en plus au sujet du développement spectaculaire de la marine en haute mer à l'époque des Song, notamment grâce aux importantes découvertes archéologiques, incluant un millier d'épaves trouvées dans la région de Canton. Mais il reste encore beaucoup à explorer sur le sujet, et il ne faudrait pas s'étonner, au cours des prochaines années, de tomber sur de nouvelles découvertes archéologiques sous-marines qui viendront à nouveau modifier l'étendue de nos connaissances sur le sujet. Voilà donc pour ce troisième point, et c'est ainsi que nous sommes prêts à débuter le dernier point de ce chapitre qui porte sur la dynastie Song, une section intitulée « Renaissance culturelle et néo-confucianisme ». Dans ce contexte d'effervescence économique et d'urbanisation soutenue, des quartiers d'amusement se développèrent dans les villes, ce qui contribua au florissement d'une riche culture populaire, détachée et indépendante à l'égard du pouvoir impérial, stimulée par la vitalité de la culture marchande. La dynastie Song est considérée comme une période d'efflorescence culturelle, et cette vitalité est apparente dans une multitude de domaines, comme la littérature, le roman et le théâtre. On parle d'une renaissance culturelle alors que de nombreux développements furent rendus possibles grâce à une invention remarquable, soit l'invention des caractères mobiles d'imprimerie attribué à Bisheng au 11e siècle. Les techniques de xylographie existaient en Chine depuis au moins le 7e siècle et permettaient de reproduire des textes entiers. Mais l'invention de Bisheng permet de diversifier et d'accélérer la production littéraire et surtout la diffusion des connaissances. On vit alors proliférer un nombre considérable d'encyclopédies thématiques sur les animaux, les plantes, les poissons, la géographie, les mathématiques et l'astronomie. Cette prolifération des savoirs donna lieu à une multiplication des académies privées, qu'on appelle Shuyuan, et aussi des bibliothèques. Signe de l'impact considérable de la diffusion de l'imprimerie, on estime que la bibliothèque du palais impérial de la dynastie Song comptait à l'époque environ 80 000 livres, et on estime aussi que vers l'an 1100, il y avait environ 200 000 étudiants dans les diverses écoles d'État. De manière générale, ce qui contribua à générer l'idée d'une renaissance culturelle à l'époque des Song, c'est entre autres le fait que c'est à cette époque qu'on voit se dessiner une trame qui marque la fin de l'hégémonie culturelle du bouddhisme, religion qui avait atteint son apogée en Chine vers le milieu de la dynastie Tang. Le rejet du bouddhisme est lié à plusieurs causes, dont certaines sur lesquelles nous reviendrons, mais il y avait entre autres le fait que le temps et l'espace étaient représentés de manière incommensurable et beaucoup trop abstraite dans les textes religieux. On avait aussi beaucoup de difficultés avec certaines confusions entre les genres et les espèces, notamment en ce qui a trait à la transmigration et à la réincarnation. C'est ainsi que La tendance culturelle de l'époque de la dynastie Song représente un retour aux traditions classiques ainsi qu'à un réalisme pratique. C'est-à-dire que les idées, les inventions ou les théories devaient toutes être mises à l'épreuve en quelque sorte, tant sur le plan social que sur le plan politique. Au cœur de cette renaissance, la littérature savante se développa, de même que la calligraphie et la peinture. Et l'un des plus importants représentants de l'époque de la dynastie Song fut Su Tongpo, qui a vécu entre l'an 1036 et 1101. Mais nous reviendrons sur ce sujet lors de notre prochaine rencontre. Avant de terminer la rencontre du jour, on va d'abord se tourner à nouveau vers la poésie, avec une œuvre poétique, toujours de l'époque de la dynastie Tang, cette fois-ci inspirée de la chanson précédente, interprétée par ceux qu'on appelle le groupe des Montagnards, Shanzhen Yue Tui. Une chanson, rappelez-vous, qui nous invitait à boire, et cette fois ce sera un poème qui nous invitera à en faire autant. Rappelons que le thème de la journée était la fête, la célébration, le bonheur d'avoir terminé l'examen, terminé la session ou terminé la soutenance. Et pour illustrer cette célébration en beauté, j'ai choisi un autre poème de Li Pai qui s'intitule cette fois « Invité à boire » (Tiang Qin Qiu). Comme pour le dernier poème, je vais vous lire la version française du poème, mais avant, je dois placer quelques mots sur la première strophe du poème, qui met la table pour l'ensemble du texte. La version originale du texte va comme suit. « Jun pu tien huang he chi shui tian shang lai, pen liu tao hai pu fu hui. » Ce qui revient à nous suggérer très fortement de porter attention à l'eau du fleuve jaune, Huanghe Chi Shui, qui descend tout droit du ciel, Tian Shan Lai, et qui s'écoule directement vers la mer, Pen Liu Tao Hai, sans jamais revenir en arrière, Pu Fu Hui. Derrière cette petite observation toute naturelle, on a ici une métaphore du temps qui passe et qui ne reviendra pas. Et cette première strophe du poème donne le ton pour l'ensemble de la suite. Ce n'est pas simplement un poème qui invite à boire gratuitement pour le simple plaisir de l'ivresse qui en découle, mais c'est aussi une injonction à profiter de la vie pendant qu'elle passe. Un rappel tout simple qui nous dit qu'il faut savoir profiter des plaisirs de la vie. Si j'avais une comparaison à faire avec l'histoire de la poésie occidentale, je dirais que l'invitation à boire de Li Pai, c'est un peu la version chinoise des Sonnets pour Hélène, un recueil écrit en 1578 par le poète français Pierre de Ronsard. Et pour que la comparaison soit plus juste, voici donc le texte du poème de Ronsard. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, direz, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors, vous n'aurez servante ayant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de Ronsard ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre et, fantôme sans eau, par les ombres myrtreux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Cette dernière strophe du poème, « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie », résume à elle seule toute l'essence du courant épicurien de la philosophie occidentale, le fameux carpe diem de la société des poètes disparus. En bref, parce que les roses se fanent, il faut les cueillir pendant qu'elles sont en fleurs. Et si on revient maintenant au poème de Li Bai, c'est exactement l'état d'esprit avec lequel il nous invite à cheminer aujourd'hui, alors qu'il nous rappelle que le temps passe, le temps file et ne revient jamais en arrière. Alors profitons-en bien, dès aujourd'hui, et cessons de nous prendre la tête à se faire croire que nous sommes sérieux et sages. Voici donc le poème de Li Bai, Invité à boire. Ne voyez-vous pas les eaux du fleuve jaune, descendant du ciel, se hâter vers la mer sans retour? Ne voyez-vous pas les miroirs lumineux de la haute salle s'attrister sur vos cheveux blancs? À l'aube, ils étaient une sombre soie. Au soir, ils sont maintenant de neige. Pour être satisfait, l'homme doit épuiser tous les plaisirs. Ne laissez donc pas se vider la coupe d'or devant la lune. Le don que le ciel me comble est forcément utile. 1000 onces d'or dépensées sauront revenir. Cuisons le mouton, découpons le bœuf et trouvons-y notre plaisir. Mais surtout, d'un seul trait, sachons vider nos 300 coupes. Hé, maître Sen, ami Tantio, je vous invite à boire. Et que la coupe ne reste jamais vide. Je vais vous chanter une chanson, écoutez-moi et tendez l'oreille. Cloches, tambours, plats raffinés ne sont rien pour moi. Je ne veux qu'une longue ivresse sans réveil. Saints et sages du passé sont tous méconnus. Seuls les grands buveurs ont laissé leur nom à la postérité. Jadis, quand le prince de Sen tenait un festin au palais de Pingle, avec 10 000 boisseaux de vin, on se réjouissait allègrement. Pourquoi notre hôte dit-il qu'il manque d'argent? Allons, qu'on aille tout de suite acheter du vin. Votre cheval pommelé, votre fourrure onéreuse, que le garçon aille les échanger contre du bon vin, et noyons ensemble la tristesse de toutes les générations. Voilà donc pour ce poème de Li Bai, qui témoigne d'un épicurisme qui ressemble à celui de Ronsard, mais aussi à la version un peu plus cynique proposée par un Rabelais, par exemple. Quoi qu'il en soit, je disais qu'aujourd'hui, on était là pour fêter, pour célébrer un accomplissement, célébrer une victoire, et c'est exactement ce que nous allons faire avec la dernière chanson du jour qui s'intitule justement « La victoire finale ». Du héros de Shang-Li. C'est une chanson qui nous est offerte par l'un des plus importants groupes skinhead de la Chine, le groupe Mi San Tao, avec une chanson qui exprime à merveille l'esprit de la Hoi, l'esprit de l'unité entre tous les anarchistes, l'esprit de la fête. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont terminé leur examen cette semaine, c'est le temps de célébrer un peu et surtout, ne pas laisser les coupes vides, comme le disait si bien Li Bai. Alors chantons ensemble, bras dessous, l'incarnation parfaite de l'esprit de la musique Hoi qui nous rappelle qu'une amitié sans faille vient à bout de tous les tourments. C'est une chanson qui témoigne de l'esprit de la fête, mais c'est aussi une chanson qui peut nous insuffler le courage qui nous manque parfois pour vraiment pouvoir passer à autre chose. Je vous laisse donc avec ce chant de la Hoi, une chanson du groupe Mi San Tao. Voici donc pour nous inspirer la victoire finale, du héros de Shang-Li. Mon nom est Carl Derry et je vous dis à la semaine prochaine. Woman, xia zi zai jian ba. Thank you. contrôle, comme je suis animal.